tous les matins. Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. Je vais passer une nuit magnifique. Ouais, ouais, mais maintenant tu vas penser à partir, hein. Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. Tu vas tenter de battre Aline. Pour ça, il faut discuter avec elle pendant une minute, d'accord? Une minute maximum, ouais, bien sûr. Et tenter de lui faire dire oui, non ou le. Le. Voilà. Donc toi tu dois pas le dire, mais par contre tu dois tout faire pour lui faire dire, évidemment. Si tu y arrives en déant la minute, c'est gagné. Sinon, bah forcément, c'est perdu. Une minute maximum. Bonne chance, Anthony. Ok. Allez, c'est parti, on y va, go. Anthony. Ça va? Ça va et toi? Ça va bien, je te remercie. Tu fais quoi de beau? Pardon. On travaille. Et toi, que fais-tu? Pas bon de partir au travail. Quoi? J'ai rien compris. Pardon? Je vais pas tarder à partir au travail. Ok, il faut que je me concentre parce que Mickaël est en train de me perturber. Ouais, mais de toute t'aimes façon, bien le travail que tu fais? Tu vas perdre. Hein. Pas bah, du tout. Pourquoi tu dis ça? Ah bah. Est-ce que t'aimes bien le travail que tu fais? Perdu! Est-ce que t'aimes bien le travail que tu fais? Ah oui, fais voilà, allez, oui. Deuxième échec d'affilée. Oh là là là là là là là là là là là là là. Moi j'ai laissé gagner, voilà. Arrête un peu, t'as été mauvaise, c'est tout. Moins mauvaise qu'hier, mais t'as été mauvaise quand même. Mon Dieu. Bon Anthony, bien 22 ans de Villers-la-Ville, c'est gagné, tu repars avec l'iPod. Ah ben, toi. La classe. Y a ouais, pas bravo. De problème. Ouais. Tu préfères l'iPod ou FIFA 13, comme tu veux. FIFA 13, je l'ai déjà, donc. Ah bah alors l'iPod. Alors. L'iPod, hein. Eh ben écoute, pas de problème. Tu restes bien au standard. On va prendre tes coordonnées. On va t'envoyer ouais, l'iPod rapidos. D'accord. Ouais, ça va. Salut Anthony, à bientôt. Salut. Ciao, salut, ciao, salut. Bye bye. Tous les matins, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Tous les matins, Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. Alors, heureuse? Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. C'est la ligne anti-relou, bah vous connaissez le principe, hein, les meilleurs messages laissés sur le 0473 86 0013, c'est chaque matin sur Fun Radio. Bonjour Alice, Sébastien, l'appareil, Laurent, que tu connais, m'a laissé un petit mot sur mon ordinateur pour me dire que tu avais appelé hier. Envoie-moi éventuellement un texto pour me dire quand on peut savoir au téléphone, histoire de discuter, hein, tout simplement. Allez, à plus Alice. À plus Alice. Et je vous le remets, allez, en bonus, c'est pour moi. Ça me fait plaisir, ça fait longtemps qu'on l'avait plus entendu. Allô, Juliette, c'est Gilbert. Alors, je vais te donner des bonnes fessées de partante. Je suis très cochon et vicieux. J'attends ta visite, surtout mes pas de culotte. Oh, ça reste mon préféré. Hein. On l'avait déjà mis, mais ça reste mon préféré. C'est pour ça que j'ai le petit extrait. C'est ouais. Je suis très cochon et vicieux. Voilà. Donc, ah ouais, non, là, voilà. Il est bien. Là, il est très, très bien. Là. Mickaël à la radio. Le replay. Mickaël à la radio, c'est plus d'infos. Plus de météo que sur les autres radios. Demain il pleut, c'est tout. Plus de suspense que dans un jeu télé. Eh ben c'est perdu. Ah non, t'as gagné. Ouais, bon écoute, tu verras au standard, hein. Cherchez pas ailleurs, le meilleur des réveils, c'est sur Fun. Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Et ce matin, j'ai trouvé un mec qui est un petit peu comme toi, Aline, justement. C'est-à-dire? Comment t'expliquer? Voyez comme toi, écoute. Pour Franck, c'est devenu un mode de vie. Un matin d'automne, il y avait de la rosée dans l'herbe, dans le jardin, et en allant travailler, je me suis dit, ça va être très agréable de mettre les pieds dans l'herbe mouillée. Puis, de plus en plus, j'ai eu envie de le faire autour de chez moi. Ah oui, voilà, c'est ça, exactement. Et non, parce qu'il faut savoir qu'Aline, en fait, se promène comme ça, hein, comme ce mec, justement. Pieds nus à la radio, et donc vous vous dites que ça doit être un peu compliqué quand même, hein, dans la vie de tous les jours. Et bien pas du tout. On pense tout de suite au morceau de verre, mais avec un peu d'habitude on marche dessus sans aucun problème. Il y a une pseudo saleté ou des crottes de chien, des choses comme ça, mais on apprend très très vite à faire avec, et on s'aperçoit que finalement c'est pas plus sale qu'autre chose. Non, bah c'est ça, c'est pas plus sale qu'autre chose. Et quand il veut se laver les pieds, bah vous pensez qu'il fait comment justement? Eh bien il fait comme Aline. Après 3 heures de balade, cela finit quand même par se voir. Donc on a essentiellement de la poussière, il suffit de placer dans une flaque d'eau ou dans un petit bassin d'eau, et les trois quarts, pour pas dire tout, va partir. C'est vraiment que de la poussière. Mais c'est ça, c'est que. Bah alors ça va, hein, tu vois, c'était pourtant simple. Hein. Donc voilà, donc à partir d'aujourd'hui, justement, allez hop, on va tous bosser pieds nus. Hein, bah oui, puisque de toute façon. Bah voilà, en plus il pleut, il fait mauvais, donc ça tombe très bien, tu vois. Oui, comme ça on aura les pieds lavés directement. Voilà, une petite flaque, et hop, voilà, c'est plié. Exactement. Tous les matins, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Il n'arrêtera pas la faim dans le monde. Il ne remboursera pas la dette de l'Europe. Il n'arrêtera pas les guerres. En fait, il ne changera rien. Mickaël vous sort du lit tous les matins et c'est déjà pas mal. This is Mickaël à la radio. 6h-9h30 sur Fun Radio. Bon, allez, oui. Christelle, on va jouer au vrai faux des stars. Le principe est simple, je vais te poser 5 questions. Tu réponds par vrai ou faux. Tu fais 3 sur 5, c'est gagné. Pas compliqué, tu repars avec l'iPod. Ok. Allez, c'est okay. Parti. Première question. Vrai ou faux, des touristes ont surpris David Beckham en slip. Vrai. Vrai. Merde, pardon. Bah oui. Bonne réponse. En fait, il tournait une pub dans les rues de Beverly Hills, en fait, pour H&M. Ouais. Bah donc, il faut savoir qu'il y a quand même un bus de touristes qui visite la ville chaque jour. Oui. Et donc, du coup, il s'est fait griller par les touristes. Bah, tu m'étonnes, ça devait arriver, tiens, normal. Alors, vrai ou faux, le roi de Suède aime manger sur des femmes nues. Faux. Bonne réponse. Ouais, en fait, il y a un portrait qui montre le roi mangeant une pizza sur le corps d'une femme nue. Voilà. Ah ouais. Donc ça a été très mal accueilli, d'autant plus que la reine essaye d'effacer. Oh, il chipote, ouais. Oh là là. Ouais, mais à côté, tu vois la reine qui essaye d'effacer la croix gammée. Donc c'est encore, tu vois, c'est pas. C'est vrai, voilà, c'est ils vrai. Ont pas apprécié quoi. C'est vrai. Bon, c'est d'accord. Bizarre. Bon, question je comprends pas pourquoi. Ouais. Vrai ou faux, Kim Kardashian et Audrey, notre journaliste, partagent un problème commun. Vrai, oui, effectivement, oui. Ça, j'ai pas envie de répondre. Elle aurait pris un peu de poids. Non, mais par contre, moi, je sors pas avec Kanye West. Hein. Attends, non, on a un problème. On a un problème, pas deux, ouais. Non, mais moi, je veux bien avoir tous les points communs, alors. Ouais, mais ouais, pas juste ça, un, ouais. Quoi. Bon, vrai ou faux, DSK va jouer dans une pièce de théâtre qui s'appelle La nuit où tout a basculé. Faux. Bonne réponse. Ouais, c'est pas lui qui va jouer, mais en fait c'est l'histoire. Donc son histoire a inspiré une pièce de théâtre. Et donc c'est basé sur la nuit au Sofitel, là, tu sais. Évidemment. La femme de ménage ou la prostituée, enfin je sais pas trop comment l'appeler, mais. Bah, femme de ménage. Avec hein. la dame. Voilà, avec madame. Avec madame. Avec Sifato. Comment elle s'appelle encore ? Je sais même plus comment elle s'appelait celle-là. Comment elle s'appelait, Toff ? Sifato, non ? Non, je sais plus. Oh, je sais plus, bref. Bon, la femme de ménage. Bon, allez, question suivante. L'histoire ne retiendra pas son nom. Non, c'est clair. Vrai ou faux, les parents d'Arnold Schwarzenegger l'obligeaient à avoir un psy parce qu'ils pensaient que leur fils était gay. Faux. Bon, alors, vrai ou faux? Allez, faux. Ouais. Mauvaise réponse, c'était vrai. Ouais, ouais. Et au-delà du psy, en plus, son père le fouettait avec une ceinture pour lui remettre. Oh là là. Il était c'est mal quoi, ça bah ouais, c'est clair. Bon bah Christelle, en tout cas 4 sur 5, c'est un très beau score. Ça a failli faire le top du top, mais non. C'est pas grave, quoi qu'il arrive, ça change rien. Tu repars avec l'iPod, Christelle. Bravo à toi. Super, merci. Bah je t'en prie. Avec grand plaisir. Je te fais des bisous, Christelle. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio.